Noël en Angleterre par Marcel Lheureux. En France, nous avons Noël et le jour de l'an. Noël, la fête intime, son réveillon, ses souliers au bord de la cheminée, la promenade de Jésus sur les toits de la ville, toute la joie des enfants. Le jour de l'an, la fête officielle, ses visites de service et de famille, ses cadeaux, ses pourboires, le jour le plus odieux de l'année. En Angleterre, ils n'ont pas le jour de l'an. Ils ont Christmas. Christmas tout seul. Et Christmas commence bien avant le 25 décembre, pour finir bien après. Ce n'est pas un jour, c'est plus qu'une grande semaine, c'est presque une saison, Christmas season. Novembre n'est pas encore défunt que déjà les journaux publient leurs Christmas numbers. Et dès le 1er décembre, tous, grands et petits, du haut en bas de l'échelle sociale, pensent à Christmas. Pendant tout le mois de décembre, on échange les Christmas cards et on vit dans l'attente de Christmas. Que les hasards de la vie vous conduisent le soir d'un 25 décembre au sein d'une famille anglaise, dans cette campagne des environs de Londres, qui a on ne sait quel charme lent et enveloppant. C'est là que vous goûterez les vraies joies du Noël d'outre-mer. Vous ne manquerez pas de prendre part à la traditionnelle visite à la cuisine, tout ornée pour la circonstance de Hou et de Guy, visite en grand tralala, les femmes en toilette et les hommes en smoking. Vous dégusterez, comme en France, la traditionnelle dinde, oie ou poularde. Vous vous régalerez du pudding national et flamboyant. Peut-être vous invitera-t-on encore à jouer à un tas de petits jeux classiques, dont les suaves misses anglaises sont très friandes, telles que gage, Colin Maillard, main chaude, furet, et aussi ce snapdragon, moins connu chez nous et qui consiste à pêcher d'un doigt délicat des noix immergées dans un bol de rhum ou de brandy encore bouillant. On vous fera peut-être assister à une pantomime de Noël, jouée par les jeunes gens et les jeunes filles de la maison, et où vous verrez figurer Robin Hood et son compagnon Mad Marion. J'allais oublier enfin le gui, suspendu sous le lustre du vestibule et du premier salon, le gui symbolique et qui invite au baiser. Puisse le hasard, monsieur, vous favoriser et vous faire rencontrer sous le gui la délicieuse Miss Maggie Sweetheart, dont les joues sont si roses et si douces, ou la belle Mrs. Love, qui est belle comme les Anglais savent l'être, quand elles le veulent bien. Puisse-t-il, en revanche, vous éviter le heurt brusque et frémissant de la terrible Mrs. Old Whiskey, dont le museau de brochet et les dents couleur de tournesol attestent que les Anglais sont terriblement laides quand elles se mêlent de lettres.